moi. RQC. Il est 9h. Hi, this is Robert Plant. Hi, this is Jimmy Page of Led Zeppelin. This is Angus Young of AC/DC. Hi, this is Kenny Jones. Hi, this is Paul Rodgers. Hi, this is Mick Jones of Foreigner. Hi, this is Johnny Edwards from Foreigner. This is Alice Cooper. Hi, this is Dave Menichetti of Y&T. Hi, this is Gary Moore. Hi, I'm Ian Anderson. Hi, this is David Coverdale, and you're listening to Classic Rock Radio. Living in the Past. Le meilleur du classique. I used to wake up in the morning. I used to feel so bad. I got so sick of having sleepless nights. I went and told my dad. He said, son, now here's some little something. Stuck them on my wall. And now my nights seem quite so lonely. In fact, I don't feel bad at all. I don't feel bad at all. Pictures of Lily made my life so wonderful. Pictures of Lily. Pictures of Lily, Lily, oh Lily, Lily, oh Lily. Pictures of Lily. And then one day things weren't quite so fine. I fell in love with Lily. Amis du rock, bonjour. Ce sont les Who qui, à l'instant, viennent de nous en mettre plein la vue avec les photos de Lily, Pictures of Lily, un titre de 1967, un peu osé, scabreux pour l'époque, avec lequel nous venons de démarrer en fanfare le 22e numéro de notre émission réservée aux classiques du rock et de la pop, Living in the Past. Mais en ce lundi 17 avril, durant les 3 heures que nous allons passer ensemble, ce n'est pas plein la vue, mais plutôt plein les oreilles que nous allons vous en mettre. Alors, bienvenue sur les ondes d'RQC en compagnie de Jean-Marie, mais aussi vacances oblige d'Henri, mon assistant du jour, aux manettes jusque midi et qui va nous annoncer le programme. Aujourd'hui, j'ai suivi la suggestion de Reinhold, notre plus fidèle auditrice. Il y aura bien une petite évocation pour illustrer combien l'influence de Chuck Berry a été déterminante de Chuck Berry sur une multitude de rockers du monde entier, y compris des Français. nous poursuivons avec notre habituelle séquence anniversaire. L'album Naturally de G.G. Cole sera notre album du jour, sans oublier l'actualité et les nouveautés du moment. Plus bien sûr, quelques surprises et pépites, tout droit tirées de ma discothèque personnelle. Merci Henri, et que demander de plus, même si en ce lundi 17 avril, les vacances de Pâques malheureusement s'achèvent, que le temps est maussade et frais, mais toutefois nous avons un remède infaillible pour garder le moral, la musique, à commencer par celle de Chuck Berry en 1955 avec Maybelline. To be true, oh Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing outrun my V8 Ford. A Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. A Cadillac pulled up to 104, my Ford got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain, I tooted my horn for the passing lane. The rainwater blowing all under my hood, I knew that was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. Sound. Cadillac setting like a ton of lead, 110 a half a mile ahead. Cadillac looking like it's setting still, and I caught Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. C'est bien connu, les classiques du rock'n'roll que Chuck Berry a composés tout au long de sa longue carrière sont remarquables à plus d'un titre. D'abord, ils sont tous construits sur d'inoubliables riffs de guitare qui font désormais partie du patrimoine et de la légende du rock, comme ce Maybelline de 1955 que nous venons de réécouter avec beaucoup de plaisir. Ensuite, les chansons de Chuck parlent de choses simples, en particulier des filles et des bagnoles, comme dans ce tube de 1964 qui raconte l'histoire d'un gars qui conduit une belle bagnole mais qui aimerait bien embrasser sa passagère. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile. My curiosity running wild. Cruising and playing the radio, with no particular place to go. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear. Cuddling more and driving slow, with no particular place to go. I particular place to go. So we parked way out in the Kokomo. The night was young and the moon was gold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my calaboose, still trying to get her belt loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Eh oui, on ne compte plus les artistes qui ont pompé sans vergogne dans l'impressionnant répertoire de Chuck Berry. Ces innombrables tubes ont été repris des milliers et des milliers de fois par des rockers du monde entier, aussi bien américains que britanniques, mais aussi français. Et 10 ans après la version originale par Chuck Berry sur un 33 tours intitulé « Rocking in Nashville », l'un de ses tout meilleurs, M. Eddie Mitchell nous a offert sa version de « No Particular To Go » sous ce titre « À crédit ou et en stéréo ». J'ai trouvé l'air conditionné dans l'automobile que j'ai loué. La ceinture de sécurité est en prime, on me l'a donné. J'ai fait installer la radio à crédit et en stéréo. J'ai un nouveau téléviseur avec les 3 chaînes en couleur relié au réfrigérateur qui peut aussi me donner l'heure. Se résume en ces mots, à crédit et en stéréo. Tous mes impôts sont prélevés sur mon compte bancaire si léger. Il reste alors dans mon chéquier des chèques en bois de peuplier qui sont dépensés aussitôt en crédit et en stéréo. Mettre de l'argent de côté, sur la vie je me suis assuré. Mais mes quittances sont impayées, tant pis je vais mourir idiot à crédit mais en stéréo. We'll be right back. Et sur ce même album de 1974, celui qu'on appelle le Schmoll reprenait une autre chanson de l'ami tchèque. L'original était sorti en 1959 sous le titre Almost Grown, une chanson qui raconte l'histoire d'un ado qui se prend déjà pour un homme, un vrai. Et par Eddie Mitchell, cet immense fan de Chuck Berry devant l'éternel Almost Grown est devenu C'est la vie, mon chéri. Drive my girl in the park. Don't bother sleep as long. Anyway, we almost grown. Téléphone. Merci, je tombe du lit. Je n'ai pas dormi de la nuit. Ce matin, il fait très moche. Dans ma tête résonnent des cloches. Hier, j'ai bu pour oublier que pour vivre, il faut travailler. Ma brosse à dents ne rase pas. Car le dentifrice ne mousse pas. Le ketchup dans le café. A du mal à me réveiller. Dans la rue, les marteaux piqueurs commencent à chanter en douceur. Oh, Eh oui, sans aucun doute, on peut affirmer que Chuck Berry a exercé une importance capitale sur des générations d'artistes et a largement contribué à construire l'histoire et la légende du rock dans le monde entier. Et en Grande-Bretagne, dès leur début, aussi bien les Beatles que les Rolling Stones ne juraient que par lui, en témoignent ses titres de 1964, Rock and Roll Music et Carol. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. I got no kick against modern jazz, unless you try to play it too darn fast. They had a jubilee. Them Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock. Don't get to hear them play a tango, and in the mood they take a mambo. It's way too early for the congo, so keep a rocking that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a black beat, you can't blues it. Any old time you use it, well, it got rock and roll music. If you wanna dance with me, not so long a ride. You park the car in the open, you can walk inside. A little cutie takes your hat and you can thank a man. Cause every time you make a scene, you find the joint is jammed. Cause you dance so good. Cela dit, Eddie Mitchell n'a pas été le seul fan de Chuck Berry en France à avoir repris très tôt certains de ses titres. D'autres rockers l'ont aussi adapté avec talent, notamment Johnny avec ce Oh Carol dont je vous propose ici une version live de 2016, enfin enregistrée en 2016 et qui figure sur l'album Restez Vivant Tour. Et ce titre et cet album ont été enregistrés chez nous à Bruxelles et vous, qui sait, vous y étiez peut-être. Ce soir, ces insulettes, c'est pour te dire qu'il ne viendra pas. Ça ne vaut pas la peine de pleurer pour ça. Tu le remplaceras d'ici les jours, tu l'oublieras. Maintenant, dans tes yeux, toute la joie s'est envolée. Si j'étais là, mon pays, tu savais quoi, viens danser. Consolé dans mes bras. Ce jour-là peut-être enfin il reviendra vers toi. Hey. Oh, Carol, ne me regarde pas comme ça. Ce soir, si je suis là, c'est parce que tu es tout pour moi. Le Johnny, Et oui, dans le monde entier, on ne compte donc plus le nombre d'artistes qui ont repris les chansons de Chuck Berry, lui qui aurait fêté ses 91 printemps en octobre 2017 s'il n'avait tiré sa révérence le 18 mars dernier, soit il y a près d'un mois déjà. Parmi les chansons les plus populaires de son répertoire, il y a l'histoire de ce gars qui aimerait bien parler au téléphone à sa copine restée à Memphis, Tennessee. Et Daniel Gérard, qui fait partie, on l'oublie un peu trop, des rockers français de la première génération, a repris ce titre lui aussi, 5 ans plus tard, en 1964, le célèbre tube de Chuck Berry, Memphis, Tennessee. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find the party, trying to get in touch with me. She could not leave her number, but I know who placed the call. 'Cause my uncle took the message and he wrote it. Get in touch with my Marie. She's the only one who'd phone me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on a ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge. More than that I cannot add, only that I miss her and all the fun we had. But we were pulled apart because her mom did not agree and tore apart our happy home in Memphis, Tennessee. Last time I saw Marie, she's waving me goodbye with hurry home drops on her cheek. Marie is only 6 years old. Information, please. Try to put me through to her in Memphis, Tennessee. Quand il est arrivé avec sa guitare à la main, chacun d'entre nous voulait devenir son copain. On ignorait tout de lui, mais il y avait écrit sur le bois de sa guitare, Memphis, Tennessee. Sans chercher plus loin, c'est comme ça qu'on l'a surnommé. Par toute la bande alors, il fut tout de suite adopté. Quand parfois l'un d'entre nous avait quelques ennuis, ensemble on allait le dire à Memphis, Tennessee. Alors il chantait doucement en fermant les yeux. Plus rien ne comptait, on ne pouvait pas être mieux. Quand je joue sur ma guitare les airs qu'il m'a appris, un écho dans ma mémoire dit Memphis, Tennessee. Semblait se figer. Alors il chantait sans fin d'étranges mélodies. Toujours un mot revenait, c'était Mississippi. On comprenait qu'on le perdrait, Memphis, Tennessee. Quand il est parti, tous on a cru perdre un ami. Et souvent le soir, tous ensemble, on parle de lui. Et même si l'on croit voir des larmes aux yeux des filles, on ne peut pas en vouloir à Memphis, Tennessee. Et voilà, vous voulez encore un autre exemple qui montre combien Chuck Berry a profondément influencé les rockers français ? Eh bien, remontons jusqu'aux Chaussettes Noires, le premier groupe d'Eddie Mitchell. Eddie, réveille-toi, tu dors depuis des heures. Crois-moi, il est bien temps de songer au labeur. Au lieu d'aller traîner dans les boîtes de nuit et de passer ton temps à boire du whisky, crois-moi, tu ferais mieux d'apprendre à travailler car dormir n'est pas un métier. Yeah, yeah, yeah, yeah, alors ça bon. Eddie, ça bon, ça bon. Oh, Eddie, ça bon, ça bon. Eddie, ça bon, ça bon. Eddie, ça bon, ça bon. Eddie, ça bon. Le rock te rend fou, tu chantes pendant les heures. J'ai plein tes voisins, je l'ai plein de du cœur. Tu es de ces gens qui n'ont pas de soucis. Quand tu as des chagrins, tu me dois au whisky. Rien ne t'intéresse car tu as décidé de prendre des choses du bon côté. Yeah, yeah, yeah, yeah, alors ça bon. Et dis ça bon, ça bon. Oh, et dis ça bon, ça bon. Dis pas bon. La fiancée t'attend car son père il s'ennuie. Ne la délaisse pas, essaie d'être gentil. Avant de l'emmener dans tes surprises parties, tu pourrais tout au moins lui demander son avis. Puisque tu l'aimes tant, aime-la pour la vie. Va faire un tour à la mairie. Yeah, yeah, yeah, yeah, alors sois bon. Oh, hey, dis sois bon, sois bon. Hey, hey, dis sois bon, sois bon. Hey, hey, dis sois bon, sois bon. Hey, non, le non, sois bon. Hey, dis sois bon. Et de Eddie, sois bon à Johnny B. Goode, il n'y a qu'un pas en forme de traduction littérale parce que dans l'original de Chuck, Johnny B. Goode, c'est bien le vrai nom du héros de la chanson. Un gars qui joue de la guitare comme un cinglé et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son auteur. Johnny B. Goode. Et c'est avec ce titre mythique de 1958, Johnny B. Goode, que nous venons de refermer cette séquence spéciale Chuck Berry. Ne changez rien, vous êtes toujours sur l'antenne d'RQC, que ce soit sur Internet ou via la bande FM. La musique revient juste après ce message. RQC vous ouvre ses portes. Dans le cadre de l'opération Wallonie Weekend Bienvenue, RQC Radio Kichifel revêt son costume d'ambassadeur pour vous proposer une visite de fond en comble et hors du temps. Envie d'en savoir plus? De découvrir le cœur de votre radio? Rejoignez-nous le week-end des 22 et 23 avril 2017 de 10h à 18h pour tout savoir sur votre radio. Des activités spéciales se dérouleront le samedi 22 avril à 15h, 16h et 17h et le dimanche 23 avril à 15h et 16h dans le studio de la radio au 2A rue Roger Salengro à Moucron. Plus d'infos sur le www.wallonibienvenue.be. Réservation par email à l'adresse bonjour@rqc.be ou par téléphone au 0479 65 91 01. You may have the money, but you've got to go. It's sensible. RQC. Head out on the highway, looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Buy all of the guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning. Every racing with the wind and the feeling that I'm under. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of the guns and what's and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. River flows it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Flow, river, flow. Past the shady tree. Go, river, go. Go to the sea. Flow to the sea. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Et en ce lundi de Pâques, malgré le temps maussade, vous serez peut-être nombreux à enfourcher votre moto pour une petite balade. Et pour tous les amateurs, tous les amoureux de la moto, il y avait à l'instant deux titres évocateurs du film Easy Rider. D'abord, vous aurez reconnu sans peine Born to be Wild de Steppenwolf. Et ensuite, ce magnifique hommage signé les Byrds, Ballad of Easy Rider. RQC par téléphone au 056 34 07 83. Et depuis la France, au 0032 56 34 07 83. Et nous entamons maintenant notre séquence anniversaire. Nous allons nous interroger pour savoir ce qui a bien pu se passer un 17 avril. Now there are three steps to heaven. Just listen and you will plainly see. And as life travels on and things do go wrong, just follow steps one, two and three. Step one, you find a brotherhood of love. Step two, she falls in love with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Yeah, that sure seems like heaven to me. For heaven's very simple. Just follow the rules and you will see. And as life travels on and things do go wrong, just follow steps one, two and three. Step one, she falls in love with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Yeah, that sure seems like heaven to me. Just follow steps one, two and three. Et en ce 17 avril 1960, la voiture qui transportait Eddie Cochrane et Jane Vincent vers l'aéroport de Londres a eu un accident. Si Jane Vincent a été seulement blessée, par contre, Eddie Cochrane, âgé alors de 21 ans, n'a pas survécu à ses blessures. L'ironie du destin, ce jour-là, a voulu qu'il meure au moment où ce titre que nous venons d'écouter, « Three Steps to Heaven », qui veut dire « Trois marches vers le paradis », passe sur toute la radio. Et c'est aussi un 17 avril, mais en 1975, qu'Elvis Presley a acheté un Convair 880. Qu'est-ce qu'un Convair 880 ? C'est un jet que la Delta Airlines lui a vendu pour la modique somme de $250,000. Il le nommera Lise Marie. Et Elvis dépensera ensuite plus de $600,000 pour le personnaliser. Et dans cet avion, il a fait aménager une salle de réunion, un petit appartement et une piste de danse. C'est pas beau tout ça ? Oh, hold me close, hold me tight, make me thrill with delight. Let me know where I stand from the start. I want you, I need you, I love you with all my heart. Every time that you're near, all my cares disappear. Darling, you're all that I'm living for. Until you came to me, but now I know that I will go. Oh Lord, and you'll be turned. Leave what you please, be my own. Never leave me alone, 'cause I die every time. Le 17 avril 2002, l'hebdomadaire anglais New Musical Express a publié la liste des 50 personnalités qui ont le plus influencé l'évolution de la musique. Et de manière un peu surprenante, en tête, on trouvait le groupe Les Smiths que nous retrouvons avec William It Was, et ensuite arrivait bien évidemment les Beatles que nous retrouvons avec Yesterday. The rain falls hard on a humdrum town. This town has dragged you down. Oh, the rain falls hard on a humdrum town. This town has dragged you down. No, no. And everybody's got to live their life, and God knows I've got to live mine. God knows I've got to live mine.

touchdown. You'll find that it's stranger than known. Signs in the street that say where you're going are somewhere just being their own. Nous venons de prendre un peu de hauteur avec les Birds dans une ambiance psychédélique sur ce titre 8 Miles High, sorti tout droit de l'album de 1966 Fifth Dimension. Et auparavant, Nirvana, Kurt Cobain nous parlait d'une fille avec ce titre About a Girl, extrait de l'album de 1989 Bleach. Et en ce 17 avril, nous souhaitons un bon anniversaire à quelques artistes, notamment John Hammer, le claviériste du groupe de jazz rock Mahavishnu Orchestra, qui est né le 17 avril 1948. Et ensuite, bon anniversaire aussi à Pete Shelley, le chanteur et guitariste du groupe punk Buzzox, né lui le 17 avril 1955. Thank you. Et on compare en rythme avec les Buzzocks, Ever Fell in Love. Ah que voilà un titre qui nous met de bonne humeur. Et malheureusement, ce 17 avril, plusieurs artistes sont décédés. On pense notamment à Félix Pappalardi qui est décédé le 17 avril 1983 à l'âge de 43 ans. Il était le bassiste et producteur renommé du groupe Mountain. Un groupe qu'il avait fondé en 1969. Cet auteur du titre célèbre Mississippi Queen avait également assuré la production de certains albums du groupe Cream ou de John Bays. Le 17 avril 1998, c'est Linda McCartney qui nous quittait à Tucson, décédée à Tucson des suites d'un cancer du sein. Née Linda Eastman le 24 septembre 1941 à Scarsdale, elle épousa Paul McCartney en 1969 avec qui elle eut 3 enfants. Elle était une photographe professionnelle spécialisée dans le rock et membre du groupe The Wings. Et pour la circonstance, j'ai choisi de vous passer I Got Up, un extrait d'une compilation posthume sortie quelques mois après son décès. Et enfin, c'est le 17 avril en 2008 que Danny Federici, le claviériste du E Street Band, est mort à l'âge de 58 ans d'un cancer. Le E Street Band, C'est le célèbre groupe qui accompagne depuis toujours Bruce Springsteen, et ce depuis plus de 40 ans. Et nous retrouvons ici The Boss avec The River. Mississippi Queen, she taught me everything. swear, mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down Et voilà ces titres de Mountain, Linda McCartney et Bruce Springsteen et The River clôturaient cette séquence anniversaire. Nous entamons maintenant une autre rubrique une rubrique consacrée à un album de 1971 de Gigi Kale, baptisé, intitulé Naturally. Et cet album, sorti en 1971, est en fait le premier album de Gigi Kale. Et on peut dire qu'il compte plusieurs classiques du répertoire country rock. Connu pour sa voix traînante et son jeu de guitare décontracté, l'auteur-compositeur Gigi Kale s'est fait connaître sur un tard. Il a en effet 33 ans lorsqu'il publie ce premier album en 1971, donc, et il y interprète plusieurs futurs classiques de la country rock comme Crazy Mama, Call Me the Breeze et After Midnight que nous allons écouter tout au long de cette rubrique. Jusque-là, John Weldon Kale, de son vrai nom, avait enregistré sans grand succès une poignée de 45 tours, dont l'un en 1966, avec en face B After Midnight. Fin 1970, après avoir tenté sa chance à Los Angeles, il est revenu dans sa bonne ville de Tulsa, dans l'Oklahoma, et aux surprises, le musicien y a entendu sa chanson passer à la radio, interprétée par un certain Eric Clapton, qui en fera d'ailleurs un tube. Et d'ailleurs, ils deviendront potes tous les deux. C'est alors que l'éditeur de musique Audie Ashworth est parvenu à convaincre Gigi Kale d'enregistrer enfin un album. Et Naturally, c'est le titre qui lui fut donné, sera réalisé en à peine 5 jours. Fin septembre, début octobre 1970 et enfin le 9 juin 1971. Gigi Kale a travaillé avec très peu de moyens. Il alternait les séances entre deux studios de Nashville et payait ses musiciens au tarif minimum. Pour deux morceaux, il s'est même passé des services d'un batteur et a utilisé une boîte à rythme pourtant assez rudimentaire. Sur Crazy Mama, que nous allons écouter, premier 45 tours extrait de l'album, Gigi Kale s'est accompagné de son ami bassiste Carl Reddell et du guitariste Mac Gayden. Living in the Past. L'album du jour. One, two, three, four. Pretty mama, where you been so long? Pretty mama, where you been so long? C'était donc Crazy Mama et cet album qui compte 12 titres pour 32 minutes de bonheur sortira donc finalement au mois de décembre. On y retrouve une nouvelle version de ce titre de 1966, After Midnight, dont l'artiste a ralenti le tempo. Et pour la pochette, il a choisi une toile hyper réaliste, un peu énigmatique, du peintre William Bill Rabin, qui vit et travaille à Tulsa. Aujourd'hui encore, c'est d'ailleurs le maire de la ville qui est propriétaire de ce tableau original, qui représente un raton laveur, l'animal emblématique de l'Oklahoma, avec un chien à ses pieds vêtu d'une redingote, portant un haut de forme. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug, lug, and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang. Talking suspicion, give an exhibition, find out what it is on lay back. After midnight, we're gonna let it all hang out. Et en ouverture d'album, le titre « Call Me The Breeze » définit bien la personnalité de Gigi Kale. Il s'y décrit comme étant la brise, léger et libre comme l'air. Gigi Kale a toujours été en fait en quête de vérité, loin du paraître et des prétentions artificielles du show business, comme l'illustre cette anecdote. Lorsque Crazy Mama a commencé à grimper dans les hit parades américains, Gigi Kale a été invité à se produire au très populaire show American Bandstand. Malgré l'insistance du légendaire présentateur Dirk Clark, Gigi Kale a refusé de jouer en playback et avec ses musiciens, il a purement et simplement remballer son matériel et quitter le plateau. Et jusqu'à sa mort en juillet 2013, à 74 ans, Gigi Kale a été un guitar hero très discret, fuyant la célébrité comme la peste. Eric Clapton lui a d'ailleurs rendu un vibrant hommage en 2014 sur l'album The Breeze. Blow and blow. C'était donc Gigi Kale, Call Me The Breeze, qui clôturait notre séquence l'album du jour. Et pour suivre, une superbe ballade rock de Terence Charles White, dit Snowy White, un guitariste rock britannique qui a des références jugées plus tôt. À la fin des années 70, il a participé à la réalisation de l'album In the Skies de Peter Green, ex-membre de Fleetwood Mac. Il a accompagné Pink Floyd lors de deux tournées avant de remplacer Gary Moore au sein du groupe de hard rock irlandais Thin Lizzy. Il a démarré ensuite une carrière solo sous son nom, puis a formé les groupes The Blues Agency et White Flames. Son plus grand succès, il l'a obtenu en 1983 avec cette ballade langoureuse « Bird of Paradise », extrait de son premier album solo. Living in the Past, le rock en ballade. My bird. Voilà, j'espère que vous passez en notre compagnie une douce matinée, aussi douce que ce Bird of Paradise de Snowy White. Et pour suivre un titre qui, peu de temps après sa sortie, a vraiment fait polémique. On change complètement de registre et de genre, voire d'époque. Il s'agit de « Why Don't You Get a Job » d'Offspring, qui figure sur le cinquième album du groupe Americana. Et comme le titre de l'album l'indique, cet album parle de l'Amérique, et ce titre plus particulièrement d'une fille et d'un garçon qui dépensent énormément d'argent, mais qui refusent de chercher et de trouver un boulot. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero. Et voilà, tout aurait été très bien si beaucoup de critiques n'avaient pas découvert d'étranges similitudes avec deux titres célèbres, l'un des Beatles, Obladi Oblada, qui figurait sur l'album Blanc de 1968, et Cecilia, un classique du duo Simon & Garfunkel. Heureusement pour le groupe, ni les Beatles ni Simon & Garfunkel n'ont intenté de procès malgré la polémique que ce titre a généré. Pour ce qui me concerne, je vous laisse seul juge et voici pour suivre, pour vous faire une idée, Obladi Oblada et Cecilia, non sans avoir remercié cette charmante auditrice qui nous a adressé ce petit coup de téléphone et ses encouragements. Merci à vous. Au revoir. Thank you. 56 34 07 83. Et depuis la France, au 00 32 56 34 07 83. Et si, comme cette auditrice de l'aisselle, vous souhaitez nous faire un petit coucou, n'hésitez pas à nous appeler sur ces numéros. Place maintenant à toute autre chose, retrouvons Neil Young, et tout le monde connaît l'engagement, enfin son engagement pour une série de causes, qu'elles soient humanitaires, sociales, politiques ou plus récemment écologiques. Et cela n'est pas neuf. Déjà au début des années 70, dans certaines de ses chansons, notamment, il avait clairement pris position contre le racisme exercé par les Blancs envers les Noirs, surtout dans les États du Sud. Il s'est battu contre la ségrégation raciale et en faveur de l'obtention des droits civiques pour la communauté noire. Illustration à travers deux titres, Alabama de 1972 et Southern Man, sorti deux ans plus tôt sur l'album After the Gold Rush. The best laid plan. Swing low, Alabama. You got the spare chain. You got to feel strange. And now the moment is all that it meant. Alabama, you got the weight on your shoulders. Let's break. A wheel. Voilà les deux titres de Neil Young. Et savez-vous qu'en réponse à ces deux chansons, le groupe de rock sudiste Lynyrd Skynyrd a composé la chanson Sweet Home Alabama en 1974. Et ces paroles mentionnent explicitement le nom de Neil Young. Le groupe Lynyrd Skynyrd fait l'éloge de l'Alabama et mentionne à Neil Young que les gens du Sud n'ont pas de leçons à recevoir de lui. « Well, I hope Neil Young will remember a Southern man don't need him around anyhow. » Excusez la prononciation. Ça signifie bien « J'espère que Neil Young se rappellera qu'un homme du Sud n'a besoin de lui d'aucune façon. » Thank you. Lynyrd Skynyrd de Sweet Home Alabama. Et nous allons poursuivre notre émission. Il est déjà 11h12 avec Frank Marino et Mahogany Rush. Alors, qui est Frank Marino et son groupe Mahogany Rush? Eh bien, c'est un guitariste et une formation de talent qui n'est jamais parvenu à obtenir la notoriété qu'il aurait, selon moi, mérité d'avoir. On a tous connu dans le monde du rock, ou presque, mais la soi-disant réincarnation de Jimi Hendrix dans le corps d'un autre musicien était une première. C'est ce qui est arrivé à Frank Marino fin des années 60. Il forme alors son groupe Mahogany Rush début des années 70 avec le bassiste Paul Harewood et le batteur Jimmy Ayoub qui resteront à ses côtés plusieurs années et connaîtront avec Mahogany Rush une carrière bien remplie, faite de succès divers, de quelques très bons albums et d'une popularité croissante durant les années 70. Mad in rap. Voici Stories of a Hero, Frank Marino et Mahogany Rush. The time has come, said a young man to his bride. The train waits outside. And though I leave, you know I'll keep you by my side. She holds on to my soldiers gone to war. Told her he's coming home. Soldiers gone to war. He's gonna be known as a hero in his hometown war. Through a pane of glass. depuis la France au 0032 56 34 07 Voilà, j'espère que comme nous, vous avez pu vous délecter pendant près de 10 minutes de ce titre de Frank Marino et Mahogany Rush, Stories of a Hero. Et c'est vrai que l'histoire de ce guitar hero, Francesco Antonio Marino, né en 1954, n'est pas du tout banale. Il est d'origine italienne et de nationalité canadienne. Il était d'abord batteur avant de devenir guitariste à l'âge de 14 ans. Et quelques années plus tard est survenu un événement qui a totalement bouleversé son existence. En effet, à la suite d'un mauvais trip au LSD, il s'est retrouvé à l'hôpital pour une cure de désintoxication. Et c'est durant sa convalescence, après avoir écouté les albums de Jimi Hendrix, pour qui il vouait une grande admiration, qu'il a formé son groupe Mahogany Rush pour prendre la route et le chemin des studios. Frank Marino s'est très vite révélé être un admirable guitariste fortement influencé par le style d'Hendrix, et c'est à partir de ce moment-là que des ragots et des rumeurs colportées par une certaine presse ont commencé à empoisonner son existence. Certains sont allés jusqu'à prétendre que ce prodige était habité par Hendrix, mort entre-temps, et qu'il s'était réincarné dans le corps de Marino durant sa convalescence, alors que, pourtant, à l'époque, Hendrix était toujours bien vivant. Living in the Past. Le meilleur du classique. Vous aurez sans peine reconnu le classique des classiques du maître Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, revisité par Frank Marino et Mahogany Rush sur l'album de 1979 Tales of the Unexpected. Le style, la technique et le talent inouï du jeune Marino ont laissé pas mal d'observateurs pantois. Et contrairement à toutes ces rumeurs, Frank Marino n'est à l'époque qu'un jeune, simplement très doué, qui aime les albums d'Hendrix et qui joue naturellement d'une façon proche de celle du maître. Il a d'ailleurs expliqué des dizaines de fois que ce style lui est venu naturellement et que c'est la guitare qui l'a sauvé et ce qui lui a permis de s'en sortir dans la vie. Mahogany Rush est devenu populaire durant la première partie des années 70 avec quelques solides albums à la clé atteignant parfois des sommets dans les classements du Billboard. Il figurera même à l'affiche du gigantesque festival California Jam en 1978 et le groupe va tourner avec les plus grands aussi bien au Canada qu'aux États-Unis. Pourtant, le groupe a depuis lors perdu pas mal de sa notoriété et est totalement tombé dans l'oubli. Voici un autre titre qui fait référence à l'influence qu'a eu Hendrix sur son répertoire, Purple Haze, une nouvelle reprise du maître Jimi Hendrix. For all of you who dug us before a long time ago, and for those of you who want to dig it now, Jimi Hendrix. Yeah. vous aurez reconnu une version live de Purple Haze, un titre repris, une reprise de Jimi Hendrix. Et en dehors de Jimi Hendrix, Frank Marino a souvent parlé des influences de Duane Ellman, de Johnny Winter, voire de Carlos Santana. Mais comme vous le verrez, comme vous l'entendrez sur le titre suivant, il a aussi été influencé par le maître Chuck Berry, dont nous avons en début d'émission évoqué la carrière. Et malheureusement, au début des années 80, Frank Marino va dissoudre sa formation Mahogany Rush pour sortir deux albums en solo avant de se retirer totalement du business en 1993. Never really. On ne vous a pas tout dit, l'émission qui fait débat, quand les acteurs locaux se mobilisent et prennent la parole sur notre présent, notre futur. On ne vous a pas tout dit, les troisièmes mercredis du mois, en direct et en public, de janvier à mai. Le troisième mercredi du mois, de 20h30 à 22h30. On ne vous a pas tout dit. Proposé par la ville de Moucron, le centre culturel moucronois, produit et réalisé par RQC. Nous vous attendons, bien sûr, nombreux en nos studios, ici, ce troisième mercredi du mois, pour cette nouvelle émission de « On ne vous a pas tout dit ». Et terminons avec Frank Marino et Mahogany Rush pour vous dire que finalement, en 2001, eh bien, le bonhomme a décidé de reformer son groupe en déclarant qu'il savait avoir pas mal de fans, mais quand il s'est rendu compte qu'un demi-million de personnes, vous imaginez, un demi-million de personnes le soutenaient et encourageaient sur le web, il n'a pas hésité longtemps avant de reprendre sa vie de musicien. Imitateur, usurpateur ou pas, franchement, les albums de Mahogany Rush sont tous très intéressants et démontrent avec le temps que ce trio avait bien sa place dans le monde du rock aux côtés d'autres guitaristes aux vapeurs hendrixiennes. Et je crois que les concerts avec Frank Marino, ça devait être quelque chose. RQC par téléphone au 056 34 07 83 et depuis la France au 00 32 56 34 07 83. Merci de nous suivre sur les ondes d'RQC et nous allons tout doucement clôturer cette émission avec une rubrique consacrée à quelques nouveautés et à l'actualité du moment. A commencer par la sortie d'un nouvel album très attendu de Deep Purple qui s'intitule Infinite. Et il aura fallu 45 ans pour voir ce groupe mythique et le producteur Bob Ezrin joindre leurs talents, alors qu'en y réfléchissant bien, l'association des deux tombait vraiment sous le sens. Deep Purple fait preuve sur Infinite d'une énergie que bien des jeunes formations pourraient lui envier et d'un sens de composition vigoureuse qui n'oublie pas d'être intelligente. Avec Infinite, 20e album au compteur pour le groupe, Deep Purple apporte une nouvelle pierre à un parcours sans faute depuis l'arrivée de Steve Morse Perpendicular, excusez, de 1996, mais aussi une certaine amertume concernant l'incertitude quant au futur du groupe. Selon qu'on le lise en anglais ou en italien, le titre de l'album peut autant signifier son apport d'héritage que sa toute fin. Et si Ian Gillan, un des membres du groupe, a démenti récemment quelques rumeurs précisant que le groupe n'avait aucune décision concrète et qu'il n'arrêterait peut-être pas sa course de sitôt, la tournée nommée « The Long Goodbye » en dit long. Voici le titre d'ouverture de l'album « Time for Bedlam ». Descending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life I learned to behave, what to believe, what not to say, from cradle to grave. From the venomous tit of the state, it's clearly designed to suppress centuries of living with nothing but my convictions. Broken fingers clawing through the walls of my incarceration, escaping the clutches of eternal damnation. I was justified. Hi, Gene, this is Henry McLean, and I've finished my beautiful flying machine, and I'm ringing to say that I'm leaving, and maybe you'd like to fly with me and hide with me, baby. Isn't it strange how little we change? Isn't it sad we're insane? Playing the games that we know end in tears, the games we've been playing for thousands and thousands and thousands. I hope you're exceedingly thin. For if you are stout, you will have to breathe out while the people around you breathe in, breathe in. Après ce tout nouveau Deep Purple, vous aurez peut-être reconnu le fabuleux Pink Floyd et Point Me at the Sky. Le titre n'est pas nouveau, mais il figure par contre sur la nouvelle compilation des Early Years que les Pink Floyd ont sorti l'an dernier. Et sachez à ce propos que les différents albums qui composaient le coffret The Early Years sorti l'an dernier sont désormais disponibles séparément. Donc, avis aux amateurs, et le titre que nous venons d'écouter est extrait de cet album Germination, qui vient de sortir tout à fait récemment dans le cadre des sorties séparément de tous les albums composant ce coffret et cette compilation. On reste maintenant dans le rock progressif avec la présentation du tout nouvel album de Steve Hackett intitulé The Night Siren. Steve Hackett, c'est un des membres fondateurs du fabuleux groupe de rock progressif Genesis. Et sur ce tout nouvel opus, il revient plus en forme que jamais, entouré d'une cohorte d'artistes aux horizons musicaux qui se complètent sans jamais se percuter. Et il nous conte les chants des terres lointaines portés par des variations musicales venues d'ailleurs. Il use ainsi d'une palette d'instruments issus de tous les continents comme pour élaborer un patchwork musical grandeur nature. Mais non content d'être une icône de la guitare, il semble aussi vouloir ressusciter l'esprit de la Genèse, ce qui se présente comme une nouvelle pierre d'angle à l'édifice de notre Englishman, semble avoir fait la paix avec son passé et paraît vouloir renouer avec ce dernier. Qu'on le veuille ou non, et même si cela peut fâcher certains grognons, l'empreinte de Genesis est toujours bien présente dans les lignes mélodiques nées des mains de Hackett. Voici In the Skeleton Gallery. Thank you. Steve Hackett in the Skeleton Gallery. Et 2017 marque aussi le retour d'un groupe britannique, Fisher Z, un groupe fondé en 1976 déjà et qui aura connu quelques grands succès dans les années 80 avec des titres comme Remember Russia, The Worker ou encore So Long. Le groupe nous propose aujourd'hui son 19e album intitulé Building Bridges, dont nous allons écouter le premier extrait, Damascus Disco, et c'est ce titre qui clôturera l'émission de ce jour. Et je vous quitte, non sans vous avoir remercié pour votre fidélité grandissante et pour vous indiquer que la prochaine émission aura lieu non pas le 1er mai, mais le 8 mai, j'ai bien dit. Faites du travail oblige. D'ici là, je vous souhaite le meilleur et je vous dis au 8 mai. Fisher Z, Damascus Disco. Unlucky people lose their heads. Little children bummed out of bed. Familiar beaches are killing fields. Human traffic across the world. From Damascus to Baghdad, liberation has gone bad. No grand solutions, no place to hide. The banks are broken, can't stem the tide. If we build bridges, we're wrong. Hey, hey, it might be enough when you fight monsters. You know, hey, hey, do you become monsters too? Unlucky people lose their heads. Little children bummed out of beds. Familiar beaches are killing fields. And traffic across the world. If we build bridges with love, hey, hey, it might be enough when you fight monsters. You know, hey, hey, you become monsters too. Let's listen to Nietzsche, that wise old teacher, Green San Francisco. To Damascus Disco. From Damascus to Baghdad, this liberation and it's gone bad. No grand solutions, no place to hide. The banks are broken, can't stem the tide. We build bridges with love. It might be enough when you fight monsters. You know, hey, hey, you become monsters too. Let's listen to Nietzsche, that wise old teacher, bring San Francisco to Damascus Disco. If we build bridges with love, become monsters. Living in the past. Le meilleur du classique. Et voilà, notre émission se referme. Merci de nous avoir écoutés sur RQC. Je vous dis à une prochaine fois. Hi, this is Jimmy Page of Led Zeppelin. You need a whole lot of love. Yeah. A whole lot of love. Yeah. You got me so I don't know what I'm doing now. Oh yeah. I got my first real sin.